Bonjour Maïlis et on vous retrouve lundi prochain. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à tous, chers auditeurs, et en particulier à vous, auditeurs du public du Salon Livre Paris, où nous enregistrons cette émission aujourd'hui. Livre Paris, dont le pays invité est cette année la Russie, c'est pourquoi nous parlons depuis lundi du grand écrivain Léon Tolstoï, au cours d'une série proposée par Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Laurane Travagli-Chanal, Élise Leu et Martin Guénard. Tolstoï, qui avait lui-même identifié quatre périodes à sa vie, une enfance et une adolescence heureuse malgré la perte de ses parents à l'âge de 2 et 9 ans, puis dans sa vingtaine, une décennie dissolue faite de dépravation, d'ambition, de vanité et de libertinage. Vient ensuite une période de travail intense et l'écriture de ses plus grands romans avant que le prophète, le croyant, qui était également Tolstoï, ne s'affirme de plus en plus durant les dernières années de sa vie, et c'est sur la route du monastère que la mort viendra le prendre en novembre 1910, comme nous l'avons vu lundi, avec Vladimir Fedorovski dans une émission à retrouver en podcast. Mardi, nous avons creusé en première partie ce thème de la religion avec Luba Jurgensen, avant que Françoise Le Sourd n'évoque pour nous les rapports de l'écrivain avec la vie intellectuelle de son temps. Enfin, mercredi, il a été question de Guerre et Paix, mais également d'Anna Karenine, c'était avec Laure Troubetskoy. Et en seconde partie, Laetitia Leguet a évoqué les liens entre Tolstoï et la musique. Et aujourd'hui ? Eh bien aujourd'hui, vous allez voir qu'on va élargir notre approche de Tolstoï à la question notamment des personnalités multiples que nous portons tous en nous-mêmes et que l'on peut analyser à partir des personnages de Tolstoï et de Dostoïevski, voire de Tolstoïevski. Nous sommes en votre compagnie. Pierre Bayard, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychanalyste et professeur de littérature française à Paris 8. Vous êtes l'auteur d'une vingtaine d'essais qu'il faudrait plutôt qualifier de fiction théorique, dans lesquels vous vous posez des questions comme: aurais-je sauvé Geneviève d'Ixmer, cette héroïne du roman du Chevalier de Maison Rouge de Dumas et Maquet? Ça, c'était dans votre livre de 2013. Et ce sont des livres dans lesquels l'humour a une place prépondérante, humour que l'on repère en général dès le titre, que ce soit dans « Comment parler des livres que l'on n'a pas lus »,« Comment améliorer les œuvres ratées »,« Le plagiat par anticipation » ou encore « Le Titanic fera naufrage ». Et dans votre dernier livre, celui pour lequel vous êtes ici aujourd'hui, on décèle également un clin d'œil. Le titre, c'est « L'énigme Tolstoïevski ». Et ce livre paraît, comme tous les autres, aux éditions de Minuit. C'est donc un clin d'œil. Vous allez nous dire que non, ça n'est pas un clin d'œil. C'est un livre tout à fait sérieux. Bon, effectivement, si vous êtes très attentif dans le livre, vous pouvez repérer une légère erreur que j'ai glissée. Une seule erreur. Une seule, je crois, oui, oui. Mais vous l'avez laissé sciemment? Cette idée que l'erreur peut être féconde. Il peut arriver qu'une erreur soit productive. Je pense par exemple à Freud, qui fait tout un livre sur Léonard de Vinci en 1910. Il part de cette idée que Léonard de Vinci a une vie sexuelle très pauvre, et il en tire l'idée de sublimation, à savoir que les créateurs, quelquefois, délaisse la sexualité et consacre cette énergie à leur création. La notion de sublimation est très intéressante. Simplement, on va découvrir quelques décennies plus tard que Léonard de Vinci, non seulement a une vie sexuelle, mais qu'il, contrairement à ce que pensait Freud, il a même une vie sexuelle extrêmement intense. Légère erreur, mais avec une fécondité, puisque Freud en tire une notion importante L'idée était bonne, l'exemple était mauvais. Et quelle est l'erreur féconde dans l'énigme Tolstoïevski? Écoutez, vous la chercherez, hein, il faut être attentif, il faut se plonger dans la littérature russe. Je serais tenté de dire ce qu'on peut dire de la paranoïa, dont quelqu'un disait, dans la paranoïa, tout est vrai sauf une chose. Mm-hmm. Eh bien, je crois que tout dans ce livre est vrai, sauf une petite chose minuscule, et j'en appelle à l'attention du lecteur, de la lectrice, pour retrouver cette légère erreur que j'ai créée dans un but scientifique, dans ce que vous appelez très justement une fiction théorique. Oui. Alors, évidemment, le clin d'œil est aussi présent, il est même présent dès le départ, avec la biographie de ce Tolstoïevski, qui ressemble évidemment beaucoup à la fusion de la biographie de deux écrivains légendaires, Tolstoï et Dostoïevski. Qu'en est-il, Pierre Bayard? Écoutez, comme tout scientifique sérieux, tout universitaire sérieux, je crois que mon rôle, c'est pour une part de défaire les mythes littéraires, de dessiller le regard des personnes qui sont trompées et de rétablir la vérité. Il y a effectivement toute une tradition critique, hein, qui illustre par exemple George Steiner, qui, en raison de ce qu'on pourrait appeler une forme de paresse critique, et face à ce monument de la littérature russe, qu'est Léon Fiodor Tolstoïevski, monument par la force de sa pensée, mais aussi par le nombre de ses livres, c'est un graphomane, hein, eh bien, tradition critique qui a préféré scinder en deux cet immense continent littéraire et inventer deux fictions avec deux écrivains. L'un s'appelle, je crois, Dostoïevski et l'autre Tolstoï. Eh bien, je dépuzzle cet émiettement, je les rassemble et j'en reviens à ce qui me paraît apparaître dans leur texte, à savoir qu'il s'agit d'un seul auteur dont je reconstitue, comme vous le dites, la biographie. Alors c'est vrai qu'il y a quelques incertitudes dans la biographie de Léon Fiodor Tolstoïevski, mais vous savez, on en sait finalement infiniment plus sur lui que sur Homère ou sur Shakespeare, ce qui n'empêche pas de multiples livres d'être consacré à ces deux autres géants de la littérature mondiale. Alors, il y a quelques incertitudes dans la biographie, hein. Par exemple, on ne sait pas trop s'il est né en 1821 ou 1828. On ne connaît pas exactement la date de sa mort, d'autant qu'une fausse nouvelle est arrivée en 1881, annonçant sa mort. Mais finalement, on a énormément de documents sur lui. J'ai même retrouvé dans les archives une photo de Léon Fiodor Tolstoïevski que vous pourrez voir sur le site de Minuit. On voit bien qu'il s'agit d'une seule personne, même si elle est, on va revenir là-dessus, double, multiple. Donc on a de nombreux documents. Et surtout, hein, nous autres critiques, ce qui nous intéresse, c'est l'œuvre elle-même. C'est à travers l'œuvre qu'il faut rencontrer cette personne à la fois unique et complexe de Léon Fiodor Tolstoïevski. Mais qu'est-ce qui fait, selon vous, que les critiques, pendant des décennies, ont souhaité scinder ce personnage de Tolstoïevski, cet écrivain Tolstoïevski, en deux écrivains? Est-ce que c'est par simplicité? Est-ce que c'est par facilité? Il y a deux raisons. La première, je l'ai dit, c'est la paresse critique, hein. J'ai écrit « Comment parler des livres qu'on n'a pas lus ». Si vous vous lancez dans le continent Tolstoïevski, ce sont des dizaines de milliers de pages. Mm-hmm. Donc on peut comprendre que des universitaires ou des critiques trop occupés aient préféré ne lire qu'une partie de l'œuvre. Mais par ailleurs, ce qui est vrai, c'est que Tolstoïevski, comme tout auteur, comme tout grand auteur et comme chacun d'entre nous, est multiple. Il y a différentes facettes. Et c'est vrai qu'il y a une partie de l'œuvre de Tolstoïevski qu'on peut rassembler, comme l'ont fait ses critiques fatigués. Mm-hmm. Et on peut, par exemple, mettre ensemble Guerre et Paix, Anna Karénine, Résurrection, et puis mettre d'un autre côté une partie plus sombre de l'œuvre de Tolstoïevski avec les frères Karamazov, Crime et Châtiment, Les Démons. Ça n'est pas insensé, mais on peut le faire avec n'importe quel auteur. À qui viendrait l'idée de décomposer Stendhal en Stein et en Dahl, par exemple, sous prétexte qu'il a écrit des œuvres aussi différentes que Julien Sorel et La Chartreuse de Parme? Mais alors nous, évidemment, dans cette émission, on n'est pas tenté par la paresse, hein. Évidemment, vous nous connaissez, mais on est également une émission d'histoire littéraire, et l'histoire littéraire, c'est parfois reprendre ce que la critique a bêtement dit au fur et à mesure des décennies et d'essayer de l'expliciter. Vous parliez de George Steiner à l'instant, je vous propose justement de l'écouter, parler donc de ces deux écrivains fictifs, alors Tolstoï et Dostoïevski, dans un texte lu par Christophe Brault. Le philosophe russe Berdiaïev écrivait « Il serait possible de définir deux modèles, deux types d'âmes parmi les hommes, l'un inclinant à l'esprit de Tolstoï, l'autre à celui de Dostoïevski. » L'expérience confirme cette vue. Un lecteur pourra les regarder comme les deux plus grands maîtres du roman, c'est-à-dire qu'il pourra trouver chez eux la peinture de la vie la plus complète et la plus pénétrante. Mais pressez-le, et il va choisir entre eux. S'il vous dit lequel il préfère, et pourquoi vous aurez pénétré, je crois, sa propre nature. Le choix entre Tolstoï et Dostoïevski préfigure ce que les existentialistes appellent un engagement. Il implique l'une ou l'autre de deux interprétations radicalement opposées de la destinée humaine, de l'avenir historique et du mystère de Dieu. Sur France Culture. Alors avant de reparler longuement de Tolstoïevski, parlons un peu de Tolstoï et de Dostoïevski. Quelle analyse faites-vous de cette question que soulevait Steiner, de l'engagement à la fois chez l'un et chez l'autre? Est-ce que pour vous il y a une différence radicale entre eux? Je crois que la position de Steiner ou le texte que vient de lire Christophe Bros sont tout à fait significatifs d'une autre raison pour laquelle a été produite cette scission artificielle, à savoir ce que j'appellerais notre peur devant la multiplicité. Notre peur devant la multiplicité interne. Parce que quand on travaille sur ce continent Tolstoïevski, on se rend compte qu'effectivement il est multiple. Et cette multiplicité a quelque chose d'angoissant. Je crois que nous avons peur de notre diversité intérieure. Et c'est probablement une des raisons pour laquelle certains critiques ont fait le choix de faire comme si c'était des personnes différentes. Il y a aussi de la diversité à l'intérieur même de ce qu'on appelle Tolstoï et de ce qu'on a appelé Dostoïevski. Oui, et certains thèmes que l'on prête en général à, entre guillemets, Dostoïevski se retrouvent dans l'œuvre de celui que l'on a appelé Tolstoï. Il y a une diversité, une multiplicité et une thématiques communes, ce qui, là encore, incite à les réunir et à reconnaître qu'il s'agissait bien d'un seul et même grand écrivain. Est-ce que vous auriez pu déceler d'autres erreurs, d'autres critiques et refusionner des écrivains qui ont été comme ça séparés artificiellement par la critique? Est-ce que c'était pour vous évident que c'était de Tolstoïevski qu'il fallait parler? Vous savez qu'il y a des découvertes au fil de l'histoire littéraire qui conduisent à ce mouvement de rassemblement ou bien un mouvement inverse, celui de la scission. Pensez à cette poétesse du XVIe siècle, Louise Labbé, dont un certain nombre d'universitaires très sérieux considèrent aujourd'hui qu'il s'agissait d'un groupe d'hommes qui ont choisi un nom de femme pour se rassembler. Mm-hmm. Donc l'histoire littéraire est pleine de découvertes et de réaménagements comme celui que je propose aujourd'hui à votre attention. Alors la question que pose fondamentalement votre livre, Pierre Bayard, c'est « Pourquoi suis-je plusieurs ?» Et en effet, vous en revenez à la théorie des personnalités multiples, qui est une théorie bien connue aux États-Unis et peut-être un peu plus ignorée en France, où on préfère en général la psychanalyse. Je pense qu'on peut peut-être commencer par là, Pierre Bayard, qui est de parler de cette théorie des personnalités multiples. Oui, alors l'idée du livre est de montrer comment, d'abord, la littérature en général nous permet de réfléchir sur notre psychisme, et plus particulièrement ici, comment ce continent littéraire, qu'est l'œuvre de Léon Fiodor Tolstoïevski, nous incite à reprendre en compte une théorie du psychisme qui est tout à fait intéressante et qui nous permet d'élucider un certain nombre de cas mystérieux de comportements psychiques autour de nous. Et cette théorie, c'est la théorie des personnalités multiples, qu'on appelle en français la TPM et en anglais la Multiple Personality Dissociation. Uh-huh. Et c'est une théorie qui, curieusement, est née en France à la fin du 19e siècle, avec des psychiatres dont les noms ont un peu sombré dans l'anonymat, à l'exception de Pierre Janet quand même, qui est un psychiatre célèbre, Puis cette théorie des personnalités multiples est partie aux États-Unis, où elle a connu un succès immense. C'est de la schizophrénie ou c'est autre chose ? Alors, cela ressemble à la schizophrénie, mais cela peut concerner des personnes qui ne sont pas psychotiques. Cette idée, c'est que nous n'hébergeons pas seulement, comme le pense la psychanalyse, des forces contraires, mais nous hébergeons véritablement, en tout cas certains d'entre nous qui sont atteints de ce trouble de la personnalité multiple, plusieurs personnes qui se disputent entre elles notre contrôle, avec quelquefois un nombre considérable d'habitants intérieurs. Et la prévalence de ce problème est très importante dans la société, puisque tous les personnages, beaucoup de personnages de Tolstoïevski sont atteints de ce syndrome. Alors, c'est cette idée, hein. Ce en quoi Tolstoïevski préfigure ce succès de la théorie des personnalités multiples aux États-Unis, parce qu'elle n'a pas très bien marché en France, où elle a été dominée par la psychanalyse, qui fournissait un modèle du psychisme assez satisfaisant. Aux États-Unis, elle a connu un succès immense chez les créateurs, chez les psychiatres, chez les patients, chez les grands criminels. Pensez au film Psychose d'Hitchcock, qui est une illustration dans les années 60 d'une personnalité multiple. Norman Bates est à la fois un homme et sa mère, suivant les moments. Et elle a connu un tel succès qu'elle est rentrée officiellement dans le manuel de psychiatrie officiel des pays anglo-saxons aux alentours des années 90, ou le DSM-3. Et elle est donc devenue, dans les pays anglo-saxons, une référence officielle avec des diagnostics qui ont été posés sur des centaines de milliers d'Américains. Alors, ce qui a conduit à sa défaite progressive, encore qu'elle soit utilisée encore aujourd'hui, c'est le fait qu'elle a été récupérée par les avocats, qui ont vu un véritable créneau défensif pour leurs patients, pour leurs clients. Parce que si on est différent au fur et à mesure de sa vie, si on est différentes personnes, on ne peut pas nous accuser, voilà. Puisque finalement on fuit à chaque fois la justice, on disparaît derrière une autre personnalité, on ne peut rien nous reprocher. Dans une démocratie, on n'est pas responsable des actes commis par des membres de sa famille ou par des voisins. Pourquoi devrais-je payer, si je suis la personnalité dominante dans mon corps, pour des actes délictueux que commet quelqu'un que j'héberge, qui est vraiment une autre personne et dont je n'arrive pas à contrôler les comportements? Et ça marche dans un tribunal? Alors, ça a marché, ce qui est tout à fait ahurissant. On a vu des scènes homériques, si j'ose dire, où l'avocat faisait défiler à la barre les différentes personnes, c'est-à-dire la même, habitant son client. Différentes personnes, c'est-à-dire avec une voix différente, un âge différent, des troubles psychiques et somatiques différents. Certains étaient myopes, d'autres hypermétropes, une personnalité était gauchère, l'autre droitière, etc. Et ça a marché. Ils ont obtenu des acquittements. Pensez par exemple à l'une des personnalités multiples les plus célèbres, Billy Milligan, dont parle le film Split, mais en déformant beaucoup son histoire. Et Billy Milligan, on est aux États-Unis, donc tout se fait en grand. Lui, il hébergeait 24 personnes. Et Billy Milligan a été acquitté de viol parce que le tribunal a considéré que ce n'était pas lui, c'était l'un de ses habitants intérieurs. Alors, ce délire général a fait que, peu à peu, on a retiré cette théorie des personnalités multiples du champ clinique, mais elle reste encore une référence aux États-Unis. Donc, vous avez pris les œuvres de Tolstoïevski, et en particulier peut-être Anna Karénine, pour illustrer donc cette théorie des personnalités multiples, et dans Anna Karénine, peut-être en particulier le personnage d'Anna Karénine elle-même, Pierre Bayard, de Vronsky également. D'Anna Karénine. Alors, la théorie des personnalités multiples est extrêmement illustrative dans le cas de Tolstoïevski, pour différents domaines, et en particulier pour la vie amoureuse. Elle permet de rendre compte de phénomènes de la vie amoureuse que nous connaissons bien et qui ne sont pas si évidents. Le coup de foudre, pensez au coup de foudre d'Anna Karenine de Vronsky. Tout à coup, quelqu'un d'autre se dessine en moi que je ne connaissais pas et qui prend les décisions à ma place. Je suis complètement emporté par cette personne que je viens de rencontrer. Alors écoutons justement un extrait d'Anna Karenine qui est le récit de la rencontre entre Vronsky et Anna. Vronsky suivit le conducteur. À l'entrée du wagon réservé, il s'arrêta pour laisser sortir une dame que son tact d'homme du monde lui permit de classer d'un coup d'œil parmi les femmes de la meilleure société. Après un mot d'excuse, il allait continuer son chemin quand, soudain, il se retourna, ne pouvant résister au désir de la regarder encore. Il se sentait attiré non point par la beauté pourtant très grande de cette dame, ni par l'élégance discrète qui émanait de sa personne, mais bien par l'expression toute de douceur de son charmant visage. Et précisément, elle aussi se détourna. Un court instant, ses yeux gris et brillants, que des cils épais faisaient paraître foncés, s'arrêtèrent sur lui avec bienveillance, comme s'il le reconnaissait. Puis aussitôt, elle sembla chercher quelqu'un parmi la foule. Cette rapide vision suffit à Vronsky pour remarquer la vivacité contenue qui voltigeait sur cette physionomie, animant le regard, courbant les lèvres en un sourire à peine perceptible. Regard et sourire décelaient une abondance de force refoulée. L'éclair des yeux avait beau se voiler, le demi-sourire des lèvres n'en trahissait pas moins le feu intérieur. La compagnie des auteurs sur France Culture. Alors dans cet extrait, Pierre Bayard, à la fois Anna Karénine et Vronsky sont encore sur leur personnalité de départ. Ils se rencontrent, ils se regardent, ils se remarquent, mais ils restent encore eux-mêmes. Ça ne sera pas le cas au fur et à mesure de l'avancée de l'intrigue. Ils vont, eux, changer de personnalité. Oui, et très vite, je prends un autre passage dans Anna Karénine. Lorsque Anna demande à Vronsky, peu de temps après leur rencontre, pourquoi il part en train pour la rejoindre, Vronsky dit ceci, « Je pars pour être où vous êtes, je ne puis faire autrement. » Donc, il reconnaît qu'il n'est plus le maître de lui-même et que déjà quelqu'un a commencé à le contrôler. Le coup de foudre d'une expérience qu'on connaît bien, et qui n'est pas complètement révélatrice, mais d'autres moments de l'expérience amoureuse le sont. Pensez au désamour que précisément Anna Karénine et surtout Vronsky vont connaître. Cette femme, cet homme dont j'étais éperdument amoureux m'est devenu indifférent. Je ne suis plus sensible à ses charmes et je ne me reconnais plus moi-même. Quelle était cette personne qui était prête à tout pour partir avec cet homme ou cette femme? L'expérience du désamour que l'on rencontre fréquemment dans les romans de Tolstoïevski est une expérience de souffrance, mais aussi de rencontre avec quelqu'un d'autre en soi dans lequel on ne se reconnaît plus. Et pensez encore à quelque chose qui est beaucoup plus singulier dans la littérature et que l'on rencontre dans toute l'œuvre de Tolstoïevski, aussi bien dans la partie dite Tolstoï que dans la partie dite Dostoïevski, l'expérience du polyamour. Alors ça, c'est encore pire, c'est pire que tout, ça. C'est la dépersonnalisation totale. Je suis simultanément épris de plusieurs personnes en même temps. Pensez à Natacha, l'héroïne de Guerre et Paix, qui tombe amoureuse du prince André, éperdument amoureuse du prince André. Le prince André, quelques semaines plus tard, part se battre sur le front russe contre les troupes napoléoniennes et elle tombe amoureuse d'Anatole Kouraguine, un libertin, et tout à coup terrifiée, elle se dit « mais ça n'est pas possible, je ne peux pas être amoureuse simultanément de plusieurs personnes ». Et ce qu'elle découvre face à ce mystère, à ce paradoxe, c'est qu'il y a plusieurs Natacha. Mais comme elle ne dispose pas des outils théoriques pour le penser, elle est angoissée face à cette multiplicité, comme l'est George Steiner face à la multiplicité de Dostoïevski. Et George Steiner et les autres critiques, pour lutter contre cette angoisse de morcellement, vont inventer cette fiction romanesque des deux auteurs russes. À tel point que parfois Natacha fait référence à elle-même en parlant, dans le roman, de l'autre. Oui. Donc elle a conscience d'être victime, je ne sais pas si on est victime de cette personnalité mouvante. Enfin, en tout cas, elle a conscience qu'elle n'est plus la même que précédemment. Et oui, elle alterne entre les deux femmes. Alors, elle n'est pas américaine, donc elle n'est divisée qu'en deux femmes, mais elle alterne entre ces deux femmes, c'est déjà bien toutes pour les elle. Deux amoureuses. Et c'est ça, c'est difficile. Un thème qu'on va retrouver dans toute l'œuvre de Tolstoïevski. Pensez à cette nouvelle extraordinaire qui s'appelle Le Diable, dans laquelle vous avez un propriétaire terrien qui est amoureux d'une paysanne. Et puis, peu de temps après, il tombe amoureux d'une femme de son rang, une aristocrate. Il se retrouve dans la position de Natacha, amoureux de deux personnes en même temps. Et ça le déchire complètement. Ça le déchire complètement alors que le problème n'existe pas, en fait. La paysanne est mariée, elle ne tient pas du tout. Elle sait très bien que ce n'est pas possible, leur union. La femme du rang du héros méprise trop la paysanne pour se soucier même des amours de son futur mari, Et donc, cet homme n'a aucun problème psychologique. Il a un problème d'organisation de son emploi du temps. Mais il vit ce déchirement intérieur dans une telle souffrance qu'il se tire une balle dans la tête. Parce qu'il n'arrive pas à supporter cette idée qu'il héberge deux personnes, qu'il est une sorte d'hôtel avec deux personnes différentes. Et comme il n'a pas la solution Steiner consistant à inventer deux personnages de fiction, il se suicide. Et vous voyez à quel point cette expérience du polyamour est un déchirement parce qu'elle nous confronte à notre multiplicité, au fait que nous ne sommes pas seulement divisés entre des forces contradictoires, comme le dit Freud, mais que nous hébergeons différents habitants en nous-mêmes. Et en même temps, j'ai envie de faire une contradiction à cette théorie des personnalités multiples. Vous la faites d'ailleurs vous-même dans l'énigme Tolstoïevski-Pierre Bayard, quand vous dites... Après tout, on peut aimer à la fois la musique classique et le jazz, on peut aimer Proust et Beckett sans être forcément atteint d'un syndrome de personnalité multiple. Ça pourrait être la même chose pour Anna Karénine qui peut aimer puis ne plus aimer. Oui, mais j'analyse Bronski. Cet argument, hein, mais je le réfute hein, parce que je crois que dans les cas que nous évoquons là, il ne s'agit pas simplement d'un goût même prononcé. Ils font qu'effectivement, on peut aimer Proust et Beckett. Il s'agit de passion amoureuse, c'est-à-dire d'une situation où nous sommes complètement emportés dans l'autre, emportés dans l'image de l'autre qui nous obsède. Voyez Anna Karenine, comment est-ce possible pour deux femmes ou deux hommes, ou plus encore, en même temps? Eh bien, je crois que c'est tout à fait possible si l'on admet cette diversité en nous, cette occupation par différentes personnes que des auteurs comme Steiner ont refusé de prendre en compte. En quoi est-ce que... Tolstoïevski, et peut-être en particulier celui qu'on appelle Tolstoï, a-t-il mieux que d'autres montré cela, Pierre Bayard? Je crois d'abord qu'il se situe à un moment d'histoire littéraire qui est tout à fait caractéristique, qui est celui où tous les intellectuels, plus qu'avant, parce que la question est aussi ancienne que l'humanité, où les intellectuels se sont posé la question de l'autre en nous. Quel est cet autre qui nous domine par moment? Comment rendre compte de la folie? Eh bien, c'est frappant dans le champ psychiatrique. J'évoquais tout à l'heure les recherches concurrentes de l'école française, celle des personnalités multiples, et de l'école allemande qui va l'emporter avec Freud. Mais c'est aussi le cas de façon très caractéristique dans la deuxième moitié du 19e siècle en littérature. Pensez à Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Donc c'est un trait d'époque. Oui, il y a vraiment un mouvement général de réflexion sur l'autre en nous, sur la façon de le penser. Pensez à l'œuvre de Maupassant. Il n'y a pas que le hors-là, c'est une constante chez Maupassant. Comment penser cette diversité à l'intérieur de nous? Et Dostoïevski fait partie de ce courant général. Et il y a une sorte de modèle implicite chez Dostoïevski, même s'il ne le fournit pas en des termes théoriques, de l'occupation en nous d'une multitude d'habitants. Cette occupation, elle est évidemment très problématique et elle conduit parfois à des passages à l'acte très violents. C'est le cas, par exemple, dans la sonate à Kreutzer. On en écoute un extrait, lui, ici, par Alain Cuny. Nos rapports devinrent de plus en plus hostiles. Pour finir, nous en vîmes à ceci. Ce n'était plus nos dissentiments qui créaient notre animosité, mais notre animosité qui créait nos dissentiments. Quoi qu'elle dit, j'y étais d'avance opposé, et il en alla de même d'elle. La quatrième année, nous décidâmes de part et d'autre, de nous-mêmes en quelque sorte, que nous ne pouvions ni nous comprendre ni nous entendre. Nous cessâmes même d'essayer de nous expliquer à fond. Dans les situations les plus simples, surtout lorsque les enfants étaient en jeu, nous demeurions chacun inébranlablement sur nos positions. Pour autant que je m'en souvienne, les opinions que je défendais étaient loin de m'être chères, au point que je ne pusse les abandonner. Mais elle était d'un avis contraire, et céder signifiait lui céder. Or, je ne pouvais pas. Elle non plus. Elle croyait sans doute chaque fois avoir entièrement raison, et moi, à mes propres yeux, j'étais toujours un saint à côté d'elle. En tête à tête, nous étions presque voués au silence ou à des conversations que, j'en suis convaincu, des animaux peuvent avoir entre eux. Quelle heure est-il? Il est temps d'aller se coucher. Qu'avons-nous à dîner aujourd'hui? Où allons-nous aller? Qu'y a-t-il dans le journal? Il faut aller chercher le médecin, Macha a mal à la gorge. Il suffisait de s'écarter d'un cheveu de ce cercle de propos rétrécis jusqu'à l'invraisemblance pour que notre irritation éclatât. Nous eûmes des querelles et des expressions de haine pour le café, la nappe, la Victoria, pour une attaque au vin, sujet qui, ni pour l'un ni pour l'autre, ne pouvait avoir la moindre importance. Au fond de moi, tout au moins, une haine affreuse bouillonnait bien souvent. Je regardais parfois comment elle versait le thé, comment elle balançait son pied ou portait sa cuillère à sa bouche, le bruit qu'elle faisait en aspirant le liquide, et je la haïssais, pour cela comme pour la plus mauvaise action. Pierre Bayard, on sent la violence qui va surgir bientôt dans ce couple où on ne se supporte plus. Qu'est-ce qui crée le passage à l'acte, le passage justement à la violence? Alors, ce qui est extraordinaire dans ce texte de Dostoïevski, qui est un texte fou, hein, c'est pas seulement l'image qu'on en retire en général, la haine de la femme, la haine de la sexualité, c'est que cette haine est complètement alternante avec l'amour. C'est la coexistence des deux. Je vous cite ce passage dans la sonate à Kreutzer, donc dans la bouche de Posdichev, le héros. Je n'avais pas remarqué que les périodes d'animosité naissaient en moi régulièrement, parallèlement aux périodes de ce que nous appelions amour. Une période d'amour, une période de haine. Une période vigoureuse d'amour, une longue période de haine. Des manifestations plus faibles d'amour, une courte période de haine. Et vous voyez, face à ce paradoxe amour-haine, la réponse traditionnelle de Freud, c'est l'ambivalence. L'amour passionnel est une sorte de haine, la haine pour l'autre est une forme d'amour. Mais ce que l'on voit bien dans ce texte, c'est qu'il y a une autre solution à ce paradoxe. C'est l'idée qu'il y a deux personnes. Et c'est cela qu'il décrit. Et pourquoi Freud n'avait pas envisagé cette option? Alors qu'on sait qu'il a écrit sur Dostoïevski. Mais Freud l'envisage, il s'approche très près par moments. Et notamment, il consacre un texte à Dostoïevski. À Dostoïevski, je crois, pour le coup. Oui, alors lui l'appelle effectivement Dostoïevski. Voilà. Mais regardez ce qu'il en dit. Hein. Dans ce texte que l'on trouve en général dans la préface des frères Karamazov de Dostoïevski, Freud dit ceci, et vous allez voir à quel point il s'approche, il est tout près du Graal de la découverte de la personnalité multiple, il s'étonne dans ce texte du fait que Dostoïevski puisse être à ce point multiple et qu'il soit à ce point difficile de, si j'ose dire, le rassembler. Il dit ceci, dans la riche personnalité de Dostoïevski, on pourrait distinguer quatre aspects. L'écrivain, le névrosé, le moraliste et le pêcheur. Comment s'orienter dans cette déroutante complexité? Il y a deux doigts d'aller plus loin que la psychanalyse et de ne pas identifier simplement des forces concurrentes, mais d'admettre qu'il y a dans Dostoïevski, comme chez tout le monde, y compris chez Freud, différents habitants. Voilà, mais Freud n'est pas allé au bout de la logique. Nous allons continuer, nous, de l'explorer en seconde partie de cette émission, Pierre Bayard. Mais pour l'heure, c'est le moment d'En compagnie des revues. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. En compagnie des revues avec un générique non habituel, mais c'est pas grave, Frédéric Magé, on fait avec. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de lettres modernes, directeur de la maison Colette à Saint-Sauveur-en-Puisaye. Et à chaque chronique ici, vous vous donnez comme objectif de parler d'une femme de lettres et ça vous conduit évidemment, tout naturellement, à évoquer aujourd'hui eh bien, la femme de Tolstoï, Sophie Tolstoï. Et oui, cette chronique aurait pu s'intituler « Scène de ménage littéraire » ou bien « Tolstoï contre Tolstoï » puisque j'ai choisi d'instruire ici le procès qui opposa pendant 48 ans et même posthumément d'ailleurs Léon Tolstoï et son épouse Sophie Tolstoï. Alors, tout avait bien commencé entre les deux. Le comte Tolstoï, 34 ans, auteur à succès déjà, qui tombe amoureux d'une jeune femme, Sophie Berce, 18 ans, belle, cultivée, musicienne, qui s'essaie elle-même à la littérature, et c'est le coup de foudre. Il tombe éperdument amoureux, il écrit à sa tante Alexandrine, « Moi, vieil imbécile édenté, je suis tombé amoureux ». Il faut dire que le jeune dandy des années 1840-50 est un peu loin maintenant. Il aborde déjà cette barbe hirsute, voilà, qu'on va lui connaître ensuite. Alors, peut-être s'agit-il pour lui de se caser. En tout cas, il précipite les fiançailles, hein, à peine 9 jours, et on fixe la date du mariage, le 23 septembre 1862. Mais il exige, avant le mariage, une chose de sa future épouse, une chose terrible et funeste, puisqu'il demande à Sophie Berce et vient de lire le journal intime qu'il tient depuis quelques années quotidiennement. Et c'est terrible pour la jeune femme, innocente, on l'imagine, qui découvre par le menu et dans les moindres détails eh bien, toutes les liaisons tapageuses que vous aviez évoquées tout à l'heure de Tolstoï. On peut se faire une idée, puisque le 8 octobre 1862, vous voyez, on est 15 jours après le mariage, elle commence à tenir un journal comme une forme de réponse. « Tout le passé de mon mari me paraît si horrifiant, je crois que jamais je ne m'y ferai. Cela l'amuse de me tourmenter, de me voir pleurer. Et bien un peu plus loin, j'ai senti aujourd'hui que lui et moi, nous vivions de plus en plus chacun pour soi, que j'allais me bâtir mon monde mélancolique et personnel. Le doute et l'incompréhension sont déjà là et ne les quitteront plus. » Alors, on a parlé dans l'émission de lundi dernier un petit peu de cet épisode, mais vous allez plus loin, Frédéric Maget, puisque vous allez nous expliquer pourquoi cette incompréhension grandissante va donner naissance à un véritable règlement de compte littéraire entre mari et femme. Oui, alors la première forme de ce règlement littéraire, c'est ce journal qu'elle va commencer à tenir, qui est une réponse finalement au journal de son mari. Il aura fallu attendre presque un siècle après la mort de Sophie Tolstoï pour que le journal reparaisse non censuré. Et moi, j'ai été particulièrement fasciné à la lecture de ce journal, non seulement parce qu'il est très intéressant pour comprendre la vie de ce grand créateur, mais aussi parce qu'on découvre là une femme éreintée, je crois, véritablement, et tourmentée, de façon tout à fait sensible. Alors, éreintée, elle l'est, parce qu'il faut imaginer que c'est quand même 13 accouchements successifs. Donc, 4 enfants, qui ne survivent pas. Des grossesses qui ne sont pas toujours désirées, on le voit très clairement dans le journal intime. Elle a la charge de tout l'entretien matériel, y compris donc Disnaya Poliana, la propriété de Tolstoï, 380 hectares, c'est elle qui doit gérer les moujiks, les paysans. Également l'éducation des enfants, la réception de tout le public qui vient voir Tolstoï de façon grandissante de toute l'Europe, et surtout, ce qui l'occupe quasiment toute la journée, c'est son travail de copiste, puisqu'elle doit copier, recopier parfois des dizaines de fois les mêmes textes. Je vous laisse imaginer quand il s'agit de copier 10 fois Guérépé et Anna Karénine. Gloire au traitement de texte qui a sauvé la vie. Ça reste quand même un bon texte, c'est mieux que si c'était vraiment mauvais. Oui, bien sûr, mais enfin, 10 fois, elle le dit elle-même, c'est quand même assez dur. Et surtout, ce qui frappe, c'est que sa compagne accompagne cette fatigue, le tourment de cette femme qui sous-tend complètement la lecture du journal, puisqu'il y a 2 sentiments contraires qui l'animent. D'une part, cette admiration jusqu'à l'abnégation. « Je n'ai vécu que pour mon mari », dit-elle à la fin de sa vie. Elle évoque d'ailleurs son labeur sacré. Et en même temps, la haine et la souffrance que suscite chez elle la froideur, il faut bien le dire, de Léon Tolstoï, tel qu'on la voit justement dans son journal. Alors, est-ce que ça fait pour autant de Sophie Tolstoï un écrivain ? Puisque il y a quelques années, on a pu lire les œuvres publiées de Sophie Tolstoï et se faire réellement son avis. Oui, il ne faisait pas que tenir un journal intime, puisqu'en 2010, on a publié un texte tout à fait extraordinaire, un texte romanesque, qui est une réponse à la sonate à Kreutzer dont on parlait à l'instant. La sonate à Kreutzer, tout le monde le sait, c'est un texte absolument étonnant, qui bouleverse d'ailleurs les lecteurs à l'époque. Il faut imaginer que dès 1889, on multiplie des milliers de copies à travers toute la Russie. C'est un véritable événement littéraire parce que le ton, la noirceur, le côté radical du propos étonne, puisqu'il s'agit de dénoncer en fait la femme et la sexualité comme un obstacle au progrès de l'humanité. Et évidemment, Sophie Tolstoï, qui est la première lectrice de ce texte, puisqu'elle le copie, vous l'avez compris, elle se reconnaît. Comment ne pas voir qu'elle est la femme désignée par Tolstoï ? Et elle va répondre dans un texte qui s'intitule « À qui la faute ?», où elle entend donner en fait sa version des faits. Alors évidemment, quand on lit ce texte aujourd'hui, il n'a sans doute pas les qualités littéraires de Tolstoï, on n'y retrouve pas cette profondeur dialectique et ce côté radical du propos dont je parlais, Mais je crois que, et les éditions Albin Michel et les éditions du CIRT qui l'avaient réédité en 2010 ont eu raison de le faire, puisqu'ils ont publié en même temps la sonate à Kreutzer et la réponse de Sophie Tolstoï. On voit la construction en contrepoint de ces deux textes et la volonté de Sophie Tolstoï de se justifier aux yeux de l'histoire avec des phrases qui résonnent encore aujourd'hui, je pense, pour tous les combats féministes. Se peut-il que ce soit là tout le destin des femmes, un corps au service de l'enfant, au service d'un mari? Alors, je ne sais pas si Sophie Tolstoï mérite le grade d'écrivain à côté de ce génie qu'était Tolstoï, mais en tout cas, toutes les pièces du procès sont aujourd'hui à la portée du public. Et puis, on remarque que si Tolstoï portait une attention particulière aux paysans pauvres, ça ne veut pas dire qu'il avait étendu jusqu'au féminisme sa réflexion. Autre chose, Frédéric Magé, dans une quinzaine de jours auront lieu en Bourgogne les journées nationales des maisons d'écrivains. Vous avez souhaité très rapidement nous dire un mot sur ces lieux singuliers. Oui, le thème de ces journées, c'est mobiliser des ressources nouvelles, c'est dire la fragilité de ce patrimoine très particulier, qui ne bénéficient pas peut-être de la même aide que d'autres lieux, malgré le label Maisons Illustres. J'ai vu dans les parages du Salon du Livre, d'ailleurs, le stand des éditions du patrimoine. Mais je voudrais encourager tous les lecteurs, et y compris les mécènes, à découvrir ces lieux tout à fait singuliers. D'abord parce qu'il y a une magie tout à fait particulière qui les habite. Ce sont des lieux souvent d'archives, extrêmement précieux pour la recherche, et de lieux de vie culturelle. Et ben, il faut le rappeler, la littérature, c'est aussi un patrimoine qu'il faut défendre. Voilà, et vous pouvez commencer, chers auditeurs, par aller voir la Maison Colette que vous dirigez, Frédéric, à Saint-Sauveur-en-Puisaye. Merci, à très bientôt. Toujours à l'écoute de la Compagnie des auteurs sur France Culture, au dernier jour de notre série consacrée à Tolstoï et enregistrée au Salon Livre Paris. Nous sommes avec Pierre Bayard pour parler de son dernier livre, Tolstoïevski, paru aux éditions de Minuit. Nos compatriotes, aujourd'hui, étudient davantage Dostoïevski. Ça, c'est la même chose. J'essaie de dévier des thèses sur Dostoïevski pour qu'elles deviennent des thèses sur Tolstoï. J'ai beaucoup de mal. Parce que Dostoïevski intéresse plus les Français pour bien des raisons. D'abord parce que ça se prête plus aux recherches sciences humaines maintenant, psychanalystes. Il y a des tas de travaux très valables, qui très, très importants, qui vont renouveler notre connaissance de cette psychologie des profondeurs, du souterrain, l'esprit souterrain, la mémoire qui est dans un sous-sol. C'est bien une philosophie du sous-sol. Mais pour d'autres raisons, je trouve que les mystères en pleine lumière, n'est-ce pas, ceux de la guerre et la paix, ceux du prince André sur le champ de bataille d'Austerlitz, regardant les nuages, n'est-ce pas, regardant le ciel où les nuages se pourchassent, et réfléchissant sur la vie et la mort, se disant que tout cela est insignifiant à côté de ce ciel, le mystère de la lumière m'intéresse et m'attire davantage que le sous-sol de Dostoïevski. Et puis parce que le problème de la vie et de la mort, n'est-ce pas, est en un sens plus poignant chez ce philosophe contradictoire que Chestov a étudié aussi bizarrement. Enfin, j'ai écrit sur la mort dans le sillage d'une étude que mon père voulait faire sur Tolstoï. Il voulait faire un recueil de textes de Tolstoï sur la mort. La mort du prince André, la mort de d'Anna Karénine, Nicolas Lévin, la mort de les trois morts, l'arbre, le vieux cocher, la femme de la bourgeoisie, qui termine par la mort de l'arbre, Polikouchka et d'autres textes encore, les rassemblés avec une grande préface sur la mort, sur laquelle j'avais des notes. Et ça a été l'origine de mon livre que j'ai moi-même écrit sur la mort, et dans lesquels j'ai été très obsédé par Tolstoï, comme Tolstoï l'était par la mort elle-même. Vladimir Jankélévitch qui s'obstine, Pierre Bayard, c'est pénible en fait, hein, à parler de Tolstoï et Dostoïevski. Mais cela dit, il y a aussi dans celui qui l'appelle Tolstoï, il n'y a pas seulement de la lumière, il y a aussi beaucoup d'ombre, hein. Et je pensais en écoutant la question là du journal de Sophie Berthe, Sophie Tolstoï, À quel point cette théorie dont nous parlions tout à l'heure permet d'expliquer des comportements paradoxaux? Parce qu'après tout, pourquoi sont-ils restés ensemble? La théorie des personnalités multiples. Oui, pourquoi sont-ils restés ensemble? Et je trouve que l'œuvre de Dostoïevski, comme la théorie des personnalités multiples que cette œuvre illustre, permet de résoudre un paradoxe fondamental qui avait beaucoup interrogé Freud, qui continue de nous interroger. Pourquoi sommes-nous à nous-mêmes notre propre adversaire parfois? Ce qui est le cas de ce couple dont les deux membres se détestent, comme dans la Sonata Kreutzer, et qui restent ensemble. Et c'est la question que pose Dostoïevski de manière consciente, ou est-ce que c'est vous qui lisez Dostoïevski de cette manière-là? La question de l'agression contre soi-même est vraiment une question qui est latente dans l'œuvre de Dostoïevski. Pensez à Crime et Châtiment, dont le personnage Raskolnikov va, alors que personne ne l'accuse du double meurtre dont il s'est rendu coupable, va quasiment se dénoncer lui-même auprès du juge Porfir Petrovitch. Pensez à ce grand roman de Dostoïevski, Résurrection, mm-hmm. Dont le héros va dilapider sa fortune, va la vendre pour aller rejoindre une femme dont il estime qu'il est responsable de sa déchéance. Alors, Résurrection, c'est aussi un autre thème, c'est le thème de la culpabilité. Voilà, et la question même de la culpabilité qui hante toute l'œuvre de Dostoïevski est une question qui est proche de ce paradoxe. Comment expliquer que je puisse être, vis-à-vis de moi-même, mon propre juge, voire mon propre bourreau? Et c'est une question qui a hanté Freud toute sa vie, au point qu'il a inventé dans les années 20 la pulsion de mort, sans vraiment expliquer de quoi il s'agissait. Pour résoudre ce paradoxe, je suis parfois à moi-même mon adversaire, mm-hmm. mon juge dans la culpabilité, mon propre bourreau. Comment le comprendre? La théorie des personnalités multiples, telle qu'elle est illustrée par Dostoïevski, permet beaucoup mieux de le comprendre. Si je suis plusieurs, je peux alors expliquer qu'une personne en moi cherche à me nuire. L'agressivité contre les autres est assez compréhensible, elle peut être condamnable éthiquement, mais il est compréhensible que je me batte contre ceux ou celles qui nuisent à mes intérêts, qui m'agressent, qui convoitent ce que je veux. Mais comment comprendre que je puisse avoir le même comportement avec moi-même, sinon justement en postulant qu'il y a plusieurs personnes et que je suis, à l'intérieur de moi-même, un champ de bataille? Mais est-ce qu'on ne pourrait pas trouver des personnages chez Dostoïevski qui auraient en eux la pulsion de mort telle que pensée par Freud? Alors, bien sûr, hein, mais il y a un autre élément dans Dostoïevski, parce qu'il faut toujours le prendre dans sa multiplicité, qui donne à réfléchir, hein, qui est un peu à l'encontre de la pulsion de mort, mais qui est aussi paradoxal, et c'est l'empathie. Il y a beaucoup de personnages qui sont empathiques chez Dostoïevski. Pensez au personnage de Platon, le soldat. Penser à... On peut peut-être rappeler en quoi il est empathique, justement. Qui est quelqu'un qui développe une sorte de religion non chrétienne, d'adhésion aux autres, à la nature, etc. Pensez au personnage de la mort d'Ivan Illich, ce serviteur qui vient aider le héros en train de mourir. Pensez à ce personnage de noble dans Maître et serviteur, qui au tout dernier moment a un acte insensé, paradoxal, il se sacrifie pour sauver du froid son serviteur. Eh bien, tous ces comportements empathiques, hein, sont très mystérieux, ils sont paradoxaux, comme l'agression contre nous-mêmes. Et là encore, la théorie des personnalités multiples permet à la fois de les comprendre et de réfléchir sur ce risque. Le personnage qui est empathique devient d'une certaine manière l'autre. C'est ça qui est extraordinaire. Il ne pense plus à ses intérêts, il pense avant tout aux intérêts de l'autre. Mmh. Et je crois que là encore, l'idée qu'il est plusieurs permet de comprendre ces comportements paradoxaux qui sont si fréquents, autant que les scènes de violence dans l'univers de Dostoïevski, et sur lesquelles il apporte, je trouve, quelques éléments de réflexion. Donc il y a des personnalités multiples qui sont destructives, comme, reprenons cet exemple, Anna Karenine, et puis il y a des personnalités multiples qui sont positives parce qu'elles sont dans l'empathie. Oui, et parfois, les deux ensemble, pensez à l'idiot de Léon Fyodor Dostoïevski, qui est un personnage christique, qui se met à la place de tout le monde, y compris en le polyamour, il aime plusieurs femmes en même temps, il est capable de comprendre tout le monde. Immédiatement, il est en empathie avec toutes les personnes qu'il croise. Et le résultat, c'est qu'il devient complètement morcelé, qu'il finit fou. il incarne très bien à la fois la richesse et le risque de la position d'empathie. Compagnie des auteurs sur France Culture, cette émission enregistrée au salon Livre Paris. On a fait depuis le début de cette heure passée ensemble, Pierre Bayard, de nombreux constats, plutôt angoissants tout de même dans l'ensemble sur les personnalités multiples, sur la culpabilité, sur la pulsion de mort qui nous habite, qui nous habiterait. Est-ce que, selon vous, Tolstoïevski propose des solutions? Alors il y a l'empathie dont on parlait à l'instant, mais il y en a peut-être d'autres. Et de manière plus globale, avez-vous le sentiment que la littérature et la littérature de Tolstoïevski apporte des réponses et même peut-être pourrait soigner? Je crois que si l'on suit ce qu'apporte l'œuvre de Tolstoïevski et la théorie qui s'en dégage, il y a beaucoup de bénéfices dans la tolérance envers soi-même, notre propre multiplicité, et envers les autres. Je suis frappé par le fait que certaines personnes que je connais sont très différentes d'un jour à l'autre. Il m'arrive d'interrompre le dialogue avec elles pour revenir le lendemain ou deux jours après parce que je me rends compte que je ne discutais pas avec la bonne personne. Mais Sophie donc... Tolstoï, par exemple, avec... son mari, Monsieur Tolstoï, la moitié de Tolstoïevski, vraisemblablement, elle n'avait pas l'impression d'être avec quelqu'un qui était particulièrement tolérant. Et elle avait beau revenir le jour d'après, c'était toujours un peu le même. Donc il y a quand même des contradictions aussi chez Tolstoïevski quand il apporte des solutions que lui-même semble ne pas mettre réellement en pratique. Il y a quand même une leçon qui se dégage très clairement de Tolstoïevski, en particulier de ses livres concernant le bagne, aussi bien Souvenir de la maison des morts que Résurrection, puisqu'il est revenu dans deux livres différents sur le bagne. Et cette leçon, c'est ne jugez pas les autres. Mm-hmm. Et il le dit à la fin de Résurrection. Hein. Et c'est ce qu'il fait. Et il évite de juger, fidèle à l'évangile, ne jugez pas et vous ne serez pas jugés, parce que, dit-il, nous avons tous en nous-mêmes, et là encore, les passages où il explique cela sont vraiment dans les termes et avec la coloration des personnalités multiples, parce que nous avons tous en nous-mêmes des bourreaux. Donc de quel droit nous mettre à juger les autres? Donc je crois que la théorie des personnalités multiples, bien utilisée, c'est une leçon de tolérance, et de tolérance envers soi-même. Ce qui est très frappant dans le passage que lisait tout à l'heure Frédéric Maget, la réaction de Sophie Bers à la découverte du journal, c'est pourquoi n'admet-elle pas qu'il y a eu un autre Tolstoï libertin? C'est une réaction d'intolérance qui l'a fait souffrir. Peut-être qu'elle l'admet, mais elle a peur que cet autre Tolstoï revienne après leur mariage. Je pense que c'est plutôt là que se situe le problème. Oui, ou ces autres Tolstoï. Hein. Je crois qu'il y a une tolérance aussi du langage. Je crois qu'il faudrait dire davantage « nous » plutôt que « je » quand nous parlons. Et « vous voyez les autres », c'est-à-dire prendre en compte que nous sommes des groupes dialoguant avec des groupes. Et je crois qu'il y a une tolérance pénale qui est clairement demandée par Tolstoïevski, aussi peut-être une tolérance politique. Beaucoup de femmes et d'hommes politiques ont bien compris cette question des personnalités multiples et n'hésitent pas à dire des choses complètement différentes d'un jour à l'autre. Vous avez un exemple à nous donner pour nous éclairer sur ce point? Non, je ne tiens pas à me brouiller avec une partie du lectorat. Mais ce que je demande aussi dans la fidélité à ce que les Américains ont proposé, c'est par exemple le droit de vote multiple pour les personnalités multiples, mm-hmm. pour que les différents habitants de la même personne puissent s'exprimer oui. Les uns après les autres ou les unes après les autres. Donc c'est bien une réorganisation en profondeur de la société que vous nous proposez, Pierre Bayard, grâce à Tolstoïevski qui vous a ouvert les yeux. Mais elle est vraiment demandée, lisez Résurrection, elle est là quasiment en toutes lettres. Hein. Je fais quasiment du plagiat quand je demande, dans le prolongement de Tolstoïevski, toute une réorganisation plus tolérante de la société, plus accueillante pour ces multiples en nous, qu'il ne faut pas regarder comme Steiner ou les autres critiques ou Yankelevitch avec effroi, mais au contraire dans toute leur richesse. Eh bien, je crois que c'est le moment pour nous tous autour de cette table, les 50 réunis autour de cette petite table avec seulement 3 chaises, de nous séparer. Ah. Merci beaucoup à vous tous, Pierre Bayard, d'être venu ici au Salon du Livre, Salon Livre Paris, pour parler de votre dernier livre qui est une énigme et qui s'appelle L'énigme Tolstoïevski. C'est aux éditions de Minuit dans la collection Paradoxe. C'est la fin de notre semaine dédiée à Tolstoï. Pas d'inquiétude, cependant, nous revenons dès lundi 15h pour vous parler de la vie et de l'œuvre d'Emmanuel Carrère. Mais tout de suite sur France Culture, vous retrouvez Jacques Bonafé. Bonjour, bonjour à tous, bonjour la compagnie des auteurs. Printemps, non, Jacques, ce serait bien de lever le pied avec cette histoire de printemps. Là. Non, non, mais il s'agit du printemps arabe. Le premier poème dit « ô printemps qui vient de ses yeux, ô canari voyageur, ô clair de lune, mène-moi à elle en poème d'amour ou en coup de poignard, je suis dans l'errance et blessé. J'aime la pluie et le gémir des vagues lointaines. Je me réveille d'un profond sommeil pour penser aux jambes désirables d'une femme que j'ai vue un jour, pour m'adonner au vin et composer des poèmes. Dis à Leïla, ma bien-aimée, à la bouche d'ivresse et aux pieds soyeux, que je suis malade et en manque d'elle. J'entrevois des traces de pieds sur mon cœur. » Voilà, ça se trouve dans l'anthologie de la poésie syrienne contemporaine. C'est un poème de Muhammad al-Maghout. Pour Nazi Abu Infash, le printemps arabe s'écrit le printemps des cérémonies funèbres. Oui, je sais qu'avril est le mois le plus cruel. Mais, ô Dieu, si tu savais cela aussi, pourquoi as-tu délégué tant de fleurs à son banquet ? Nous nous acheminons vers le printemps, comme vers une vaste tente funéraire, comme si personne ne connaissait de chemin vers une fête. Toutes les fleurs sont apportées au cimetière. Les rouges des morts, les jaunes des morts, les blanches des morts, sacrifice des morts, la vie entière marche derrière les cercueils des morts. Oh mon Dieu ! Derrière le convoi funéraire de qui se hâte ce printemps tout entier ? Réjouissez-vous, réjouissez-vous et rassurez-vous, sous peu toutes ces fleurs seront anciennes et pourries. Voyons, combien de temps devrons-nous attendre pour assister à la naissance d'un autre printemps ? Nazi Abu Afash. À une autre page de cette anthologie, on tombe sur ces mots. « Ne dansez pas sur ma tombe, je ne suis pas encore mort », dit le poème de Yusuf Al-Kal. « Depuis l'aube, je regarde de tous côtés dans la foule. Je n'y vois aucun maître. Les rats sont des militaires dans l'état du roi. Leurs armes sont des pieds noyés dans un lit de boue. À qui sont-ils ces yeux couleur de pistache ? À qui cette paresse dans les croupes ? À qui ces ventres qui balancent et titubent comme des roseaux dans le vent ? Il était un nuage pareil à moi, puis il est tombé en pluie sur le désert des visages arides. Nous sommes tombés en pluie sur le parcours de la caravane. Nous avons attendu 1000 ans pour voir notre résurrection sur des branches migrantes à travers les fruits. Rien qu'une fleur qui nous annoncerait, rien qu'un bourgeon qui chuchoterait que depuis 1000 ans, soudain, nous nous sommes métamorphosés en pluie. Que nous sommes tombés sur le désert des visages arides. Nous avons aussi appris, fortuitement, que la caravane, lorsqu'elle était passée au-dessous de nous, avait détalé pour se réfugier sous les tentes. Adieu, poésie. Paris, 1981. Merci Jacques Bonafé, vous consacrez votre semaine à de la poésie syrienne.